Vous écoutez L'Heure internationale, une émission qui fait le tour de l'actualité nationale et internationale pendant 60 minutes. C'est une émission qui est animée et produite par le Comité de solidarité Trois-Rivières qui travaille en Mauricie et un peu partout dans le monde pour créer un monde plus juste, plus équitable, affranchi des dominations politiques, économiques et militaires. Je m'appelle Alexandre Gauthier et on passe les 60 prochaines minutes ensemble à discuter de politique internationale et d'actualité un peu partout dans le monde. Tout d'abord, on commence avec notre célèbre tour d'actualité. Alors, on fait le tour de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours un peu partout dans le monde? Alors, comme chaque semaine, je commence ce tour de l'actualité avec on a la firme Influence Communication qui produit chaque semaine un rapport, en fait, sur le poids qu'ont chaque nouvelle dans les médias. Alors, de qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine dans l'importance relative que les médias ont accordée à chaque nouvelle? Alors, tout d'abord, pour les médias québécois, on a la première position, en fait, crise politique en Égypte. Et c'est la première position depuis maintenant quasiment 3 semaines avec 5,47% du poids média. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça va continuer d'en faire couler beaucoup. On en a parlé dans à peu près tous les médias. On l'a couvert abondamment. La situation change de minute en minute. Ça évolue très rapidement. Et c'est intéressant de voir aussi comment les acteurs se positionnent dans ce conflit-là. Alors, ça n'a pas fini d'occuper la présence dans les médias, la crise politique en Égypte. Deux, eh bien, le Super Bowl avec 4% du poids média. Trois, crise en Tunisie, donc un peu le corollaire de la crise en Égypte, avec 1,14% du poids médiatique. Quatre, on a le nouvel amphithéâtre de Québec, retour d'une équipe de la LNH avec 1,13, juste à une décimale près de la crise politique en Tunisie. Et cinq, controverse autour du gaz de schiste avec 0,86%. Ce qui est intéressant à noter dans cette revue d'actualité, en fait, c'est que depuis 3 ou 4 semaines, les sujets de politique internationale se retrouvent au cœur de l'actualité québécoise, en fait, chose que Influence Communication dénotait souvent à force de faire ses bilans, en fait, c'est qu'on retrouvait peu de sujets internationaux et ça parlait principalement de hockey, finalement, dans nos médias. Et depuis les dernières semaines, même lorsqu'il y a des parties de hockey, même lorsque le Canadien gagne, en fait, il arrive rarement en première position derrière les crises au Moyen-Orient. Alors, c'est intéressant au niveau de l'ouverture sur le monde qu'ont nos médias présentement. C'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, au Canada, ça ressemble un peu. Crise politique en Égypte, première position. Deuxième position, le Super Bowl. Troisième position, crise politique en Tunisie. Et ensuite de ça, on a en quatrième position, l'abattage post-olympique de 70 chiens de traîneau qui incite la colère avec 0,75% du poids médian. Et cinq, Stephen Harper rencontre Barack Obama à Washington avec 0,66%. Certaines semaines, c'est intéressant, on a pu noter, comme dans le cas d'Haïti, par exemple, au Québec, c'était vraiment première position Haïti. Tandis que présentement, dans les médias canadiens, c'était presque, parce que c'était pas dans le top 5 de l'actualité médiatique. Tandis que présentement, on en voit beaucoup de corollaires là, au niveau de la crise politique en Égypte, de la crise en Tunisie. C'est des choses qui touchent un peu tous les médias canadiens, tous les médias québécois. Mais aussi, si on faisait un palmarès mondial, en fait, des médias, on peut être à peu près certain que ces crises-là se retrouvent au cœur de l'actualité internationale. La semaine dernière, justement, on consacrait notre émission sur ces crises. On avait reçu M. Mouloud Idir du Centre Justice et Foi qui nous avait un peu expliqué la genèse de ces révoltes-là et aussi quelle perspective on peut avoir? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que le mouvement va être récupéré? Est-ce qu'on va vraiment réussir à instaurer une démocratie dans ces pays-là? Et si vous voulez entendre cette entrevue ou n'importe quelle entrevue qui a été réalisée dans le cadre de l'émission Heure internationale, je vous invite à vous rendre à l'adresse heureinternationale.wordpress.com. Donc, c'est un blog de l'Heure internationale, heureinternationale.wordpress.com. Et à cette adresse, vous allez pouvoir écouter toutes nos émissions en balado-diffusion et toutes les entrevues aussi séparément, une de l'autre. Alors, vous pourrez réentendre Omar Aktouf, vous pourrez réentendre Mouloud Idir sur le cas justement de la crise au Moyen-Orient, au Maghreb, dis-je. Alors, c'est à suivre et chaque semaine, comme cette semaine, l'émission sera mise en version balado-diffusion sur ce site. Alors, ça fait le tour des points médiatiques. Maintenant, toujours dans la revue d'actualité, on a une nouvelle sur les dépenses militaires, en fait, qui peut en surprendre plus d'un. Cette semaine, on a appris, par un rapport parlementaire qui a été déposé devant le Parlement, qui avait été demandé dans les dernières semaines par le NPD, donc le Nouveau Parti démocratique, c'est un rapport qui dit que 41 millions de dollars, ça c'est le montant qui a été dépensé par le gouvernement fédéral depuis 2006 et qui est allé en contrat à des firmes de sécurité privée en Afghanistan. Bon, maintenant, face au coût de la mission en Afghanistan, c'est sûr que certains pourront dire que ce n'est pas un montant qui est élevé, vu que la mission en Afghanistan coûte très, très cher aux contribuables canadiens. Mais là où le bas blesse, en fait, c'est que sur les 11 entrepreneurs en fait, qui ont bénéficié de ces sommes, c'est pour la région de Kaboul et de Kandahar. Et là-dessus, il y a notamment 8 millions qui est allé à, par exemple, le groupe Armor Group, donc le groupe Armure, Armor Group. Et selon une enquête du Sénat américain, notamment ce groupe-là de firmes de sécurité privée aurait déjà eu dans le passé recours aux services, donc comme sous-traités, si on veut, à des seigneurs de guerre. Les seigneurs de guerre en Afghanistan, c'est comme des... souvent, c'est des gens qui sont liés avec le narcotrafic ou des choses comme ça, et qui ont finalement des puissances financières qui s'engagent des armées littéralement privées, donc des forces de sécurité privées. Et eux ont les moyens d'armer des gens et d'avoir une force de combat. Et ils ne sont pas régis. Il n'y a pas beaucoup de façons pour les gouvernements canadiens, américains, australiens, peu importe, de régir la façon dont ces chefs de guerre-là, finalement, vont utiliser leurs ressources, vont réussir à arriver à leur fin. Et ce groupe-là, Armor Group, qui est notamment un de ceux qui a bénéficié à hauteur de 8 millions des sommes canadiennes, fait partie justement de la liste de ceux qu'on a engagés. Alors, ça pose des questions au niveau de l'éthique, à savoir, est-ce qu'il y a eu des cas de torture, notamment? Est-ce qu'il y a eu des cas de meurtre? Est-ce que ça a heurté des civils? Et il y a peu ou pas de balises, ou du moins pas de balises accessibles publiquement, ou même par les parlementaires qui traitent finalement de ce sujet-là. Alors, 41 millions de dollars pour des firmes sécurité privée en Afghanistan, c'est quelque chose, en fait, au niveau éthique, là, ça brasse de ce côté-là. Toujours dans les dépenses liées à militarisation, liées aux militaires, c'est 35 milliards. Et là, je dis bien milliards, je ne dis pas millions. 35 milliards, ça, c'est les investissements ou les dépenses prévues, en fait, pour la construction de navires de guerre dans les prochaines années. Donc, 35 milliards de dollars. Et là, on s'entend que ce n'est pas juste sur une année, c'est sur plusieurs années. Mais quand même, le chiffre fait sourciller. Et le dilemme, ce qu'on pouvait lire dans le Globe and Mail cette semaine, c'est que le dilemme du gouvernement fédéral sera de savoir mais quelle région, quelle province on va privilégier pour la construction de ces navires de guerre pour finalement au niveau du calcul politique, à savoir que lorsqu'on donne des contrats équivalents à plusieurs milliards dans une région, ça peut rapporter des votes. Et c'est un peu le calcul politique, selon le Globe and Mail, que le gouvernement Harper va avoir à faire durant les prochaines mois et années s'il reste au pouvoir. Parce que, oui, il peut s'attirer des votes dans une région, mais la région qui va être ou la province qui ne sera pas favorisée par ces contrats-là pourrait se retourner contre lui. Maintenant, c'est sûr qu'on peut regarder ça comme étant une dépense, 35 milliards, ça pourra créer de l'emploi, ça pourra créer des chantiers, etc. C'est souvent ce qu'on entend, en fait, pour justifier ce genre de dépenses-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les dépenses militaires ne sont pas plus rentables qu'une dépense équivalente dans le secteur civil. En termes de PIB, une dépense militaire va faire augmenter le PIB d'un pays dans la même mesure, ou peut-être même dans une mesure moindre que l'équivalent investi dans un secteur public. Exemple, si on prenait 35 milliards et qu'on décidait d'augmenter le patrimoine énergétique en développement durable, par exemple en construisant des éoliennes ou de la géothermie, des choses comme ça, des réseaux de transport, par exemple, en commun électrique entre les villes ou des initiatives de, finalement, développement durable, avec cette même somme de 35 milliards, on peut imaginer qu'il y aurait encore à ce moment-là des embauches, qu'il y aurait encore des chantiers de construction, que ça aurait un effet positif sur le PIB. Et finalement, d'un point de vue politique, en fait, la finalité serait très différente. Là. On ne travaillerait pas pour, finalement, construire des armes de guerre, pour aller faire la guerre un peu partout dans le monde, ou pour, soi-disant, protéger le Nord. Mais les navires qui sont présentement en construction, ça semble pas être des modèles, en fait, qui sont adaptés aux conditions du Nord. Ça semble plus être orienté dans une perspective de militarisation, là, d'intervenir, de pouvoir avoir une force d'intervention un peu partout dans le monde. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces deux dépenses militaires-là, vous pouvez visiter le site www.stoppons-les-dépenses-militaires.com. Chaque semaine, en fait, il y a une revue d'actualité sur les développements là, au niveau de la militarisation du Canada, les dépenses militaires. On suit ça de près. Et bientôt, il y aura le dépôt d'un budget au fédéral, en fait, le budget qui comprend le poste budgétaire de la défense et de la militarisation du Canada. Et l'heure internationale, l'émission d'actualité internationale que vous écoutez présentement, va couvrir le dépôt de ce budget-là. Donc, un peu avant le budget, dans les deux, trois semaines avant le budget, on va aller chercher des gens qui connaissent bien la militarisation du Canada, qui ont étudié ça, des économistes, et on va parler finalement de l'impact des dépenses militaires et de l'augmentation des dépenses militaires depuis plusieurs années dans le secteur de la défense. On parle toujours d'actualité. Il y a le concours Parole aux jeunes pour les jeunes de 18-35 ans qui vivraient en Mauricie et qui écoutent ce podcast présentement. Alors, vous devez produire des textes de 500 mots. C'est un concours qui est organisé par la Gazette de la Mauricie, qui est un journal communautaire indépendant, gratuit, qui est distribué directement dans les boîtes à mal avec le Publisac. Il y a 75 000 copies distribuées partout en Mauricie. Il y en a aussi des présentoirs, là, notamment dans les caisses populaires, dans des épiceries, un peu partout. C'est un journal vraiment accessible, en fait. Et qui est complètement indépendant. C'est un des plus gros journaux communautaires au Québec, en fait. Et il vous convie à produire un texte. Donc, le concours s'adresse aux jeunes et il y a plusieurs thèmes. Donc, je vais en rafale. Emploi, engagement citoyen, développement social, entrepreneuriat, politique et culture. Alors, les jeunes de 18-35 ans doivent produire un texte de 500 mots. Il y a des questions là, qui sont reliées à chacune des catégories. Par exemple, dans la catégorie politique, la question de départ, en fait, pour le texte de 500 mots, c'est « Et si le gouvernement actuel était composé exclusivement de jeunes? Qu'est-ce que le gouvernement ferait différemment? » Donc, ça peut inspirer des gens et les textes gagnants dans chacune des catégories seront publiés à l'intérieur des pages de la Gazette et distribués dans les 75 000 exemplaires. Et il y a aussi toute une série de prix, en fait, pour les gagnants. Là, on parle d'appareils photonumériques, de bons d'achat dans plusieurs commerces de la région. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur lagazette.ca. Lagazette.ca, c'est le journal La Gazette de la Mauricie qui présente le concours Parole aux jeunes. En élection fédérale maintenant, on s'en va peut-être vers des élections fédérales au Canada. Les conservateurs, dans les dernières semaines, ont lancé plusieurs publicités négatives, principalement contre le Parti libéral du Canada, mais aussi contre le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique. Les libéraux ripostent cette semaine. On pouvait lire ça dans les pages du Devoir mardi de cette semaine. Et les libéraux ripostent en lançant la campagne « Plus capable Harper ». Plus capable, il faut voir comment c'est écrit au son, là. Donc P-U-C-A-P-A-B, plus capable de Harper, et c'est lancé par les libéraux. Ça vise un public qui est jeune et qui est francophone. Et le but, en fait, c'est de faire vraiment une campagne web contre les conservateurs. Donc, si on veut, le principe de la campagne, c'est qu'on entend souvent dire « Ah, moi, Harper, je suis plus capable chez les jeunes, etc. » Et ils veulent canaliser un peu ce courant-là de anti-Harper chez les jeunes pour pouvoir, dans le fond, aller mobiliser et proposer une alternative aux prochaines élections. Ils ont lancé une page Facebook, un compte Twitter, des choses comme ça, et même une vidéo dans laquelle on a une chanson, si vous voulez, là, un peu comme un clip vidéo musical, qui s'intitule « Plus capable Harper ». Et c'est une chanson, finalement, ça croit viser les jeunes. Et ça fait un peu le procès là, des dernières années du gouvernement Harper. Plusieurs thèmes qui sont repris dans ce vidéo-là, c'est des thèmes qui sont extrêmement intéressants, qui ont fait l'actualité, qui sont bien documentés. Par contre, une des choses qui est intéressante avec ce vidéo-là, c'est qu'on l'a lancé en disant « Voici, le Parti libéral lance une publicité virale contre Stephen Harper ». Maintenant, il y a un bémol à mettre là-dessus parce que c'est comme si on disait Denis Villeneuve, lorsqu'il a lancé son film Incendie, on n'a pas dit « Il a lancé un film qui va gagner un Oscar ». Le film va être oscarisé le jour où il gagne. C'est une consécration. Donc, le qualificatif de publicité virale, on pourrait dire que c'est sensiblement la même chose au niveau politique, au niveau de la communication. Donc, on verra si cette publicité devient virale avec le temps. Et on pourra en juger finalement dans les prochaines semaines. Et ce sera une consécration à ce moment-là au niveau de leur campagne. Mais on ne peut pas déjà affirmer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une volonté d'être viral. Et j'ai même envie de vous faire entendre un extrait de la chanson. En fait, ça se peut que je me tende avant la fin. Alors, on va entendre quelques extraits. Et vous pouvez la retrouver finalement sur Facebook. Ça s'appelle « Plus capable » ou sur YouTube « Plus capable Harper ». Alors, on écoute ça. « Plus capable, on est plus capable. » Les conservateurs aiment les avions de combat. Y'a rien pour les familles, mais des milliards pour ça. Le G8, le G20 ont coûté une beurrée. Le pays n'a jamais été si endetté. Les conservateurs réécrivent l'histoire, mais malheureusement, c'est à l'encre noire. Quand on a perdu notre siège à l'ONU, c'était la première fois qu'on était exclus. Plus capable, plus capable, on est plus capable. Les conservateurs sont contre Kyoto. En environnement, le monde leur donne zéro. Stephen Harper est l'ami des pétrolières. Il les protège davantage que notre terre. Les conservateurs parlent d'économie, mais plus ils en parlent, plus on s'appauvrit. Le déficit est pire que tout ce qu'ils ont prévu. Si ça continue, ils vont nous mettre dans la rue. Plus capable, plus capable, on est plus. Donc, vous voyez, c'est un peu... ça continue comme ça sur ce thème-là. Pendant 2 minutes 35 secondes sur « Plus capable » de Harper, c'est sûr que la chanson, en fait, porte bien son nom parce qu'après 1 minute 30, je commence à avoir beaucoup de difficultés à l'écouter. « Plus capable » de Harper. Est-ce que ça profitera aux libéraux en vue des prochaines élections? Bien, en fait, c'est quelque chose qui va rester à voir. C'est quelque chose qui est sujet à débat. Maintenant, selon mon analyse, en fait, cette publicité-là va autant profiter, en fait, c'est elle va canaliser l'opinion publique des jeunes, en fait, contre Stephen Harper. Maintenant, est-ce que le Parti libéral se propose vraiment comme une alternative à ça? Ben ça, c'est un sujet à débat, hein, parce que dans la vidéo et même dans la campagne présentement, ils font que dénoter ce que le Parti libéral fait de mauvais. Il n'y a pas de réelle alternative, en fait, proposée, notamment au niveau des budgets militaires, au niveau de la politique étrangère, etc. On ne propose pas là, des alternatives présentement au parti de Stephen Harper, au parti conservateur. Alors, est-ce que la publicité plus capable de Harper profitera aux libéraux aux prochaines élections fédérales? C'est ce qu'on verra. Le budget en fait fédéral devrait être déposé à la mi-mars et son rejet entraînerait une élection. Alors, on voit les gens là, qui préparent leurs cartes, qui préparent leurs armes en vue d'une élection possible. Et s'il y avait une élection, on peut vous garantir que l'Heure internationale suivra le dossier et posera des questions sur tous les sujets de politique internationale qui nous intéressent et on essaiera de faire le suivi finalement et pour présenter un portrait des alternatives qui se proposent finalement aux citoyens rendus en élection. Alors, dans quelques minutes, on reçoit un professeur du Cégep de Trois-Rivières qui s'appelle Alain Dumas. Donc, Alain Dumas revient juste un peu avant les fêtes, est allé au Forum mondial sur l'éducation à Ramallah. Ça se passe en Palestine. Alors, il va pouvoir nous commenter un peu son expérience là-bas. Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il s'est senti? C'est quoi le feeling, finalement, qu'il a pu voir en Palestine? Et comment ça l'a marqué? Et comment, maintenant, ça le guide un peu dans son implication? Alors, dans quelques minutes, une minute à peine, on entend Alain Dumas. On se laisse sur Plus capable de Harper. Et ensuite de ça, on écoute une chanson de Palestine. En fait, c'est le groupe Ramallah Underground. Donc, c'est de la musique qui est intéressante parce qu'elle est très inspirée, elle est très américaine finalement comme musique. C'est du rap. À ce moment-là, je dois avouer que je ne comprends pas nécessairement les paroles vu que je ne parle pas arabe. Mais au niveau du son, c'est très intéressant d'entendre cette chanson qui provient de Palestine. Alors, on se laisse sur Plus capable de Harper. Et ensuite, de ça, on entend Ramallah Underground. Les conservateurs ne pensent qu'à punir ceux qui les contestent, n'ont qu'à bien se tenir. Si t'es pas d'accord avec Stephen Harper, ils vont t'insulter, essayer de faire peur. Je suis tanné d'avoir honte de notre gouvernement. Faut qu'on s'en débarrasse au plus sacrant. Les conservateurs de Stephen Harper, c'est pas ma société, c'est pas mes valeurs. مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي اكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحه غريبه كتير في صوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياه كلها ذل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا على محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونزف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين المفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين. لو كان بإمكاني أعيش كمان شوي لو فلسطين وأراضينا يا بتنبع بالمسات يا بدي بصير رمات فيك أوقات ما حد سائل عن هداك إذا عاش زمات إذا طالع زفات وأراضينا يا بتنبع بالمسات يا بدي بصير رمات فيك أوقات ما حد سائل عن هداك إذا عاش زمات إذا طالع زفات. عم بتمنى يكون كله كابوس كبير بس طولت كتير ولسه ما صحيت شو اللي عم بيصير. لا ما تقوليش هذا هو المصير ما تقوليش مستقبلي هالقد صير اذا في حد سمعني رد عم بدوخ من التفكير. فلسطيني مو صعب وضعه خطير وبس مطرح اطلع خبر صغير بس بدي اعرف ليش هذا طلبي الاخير. شايف عيون الموت تطلع علي وانا بحاول اطلع حوالي وشي مبل من كتر ما دمعوا عيني روحي فل مع انه نص سقف على رجلي جسمي انشل مش قادر احرك ايدي حياتي انتهت مخططاتي انمحت صرت تحت الامر الواقع تحت الانقاض شفت الماضي كله مارق قدامي ع اخر دقات من قلبي اخر نبضات. واراضينا يا بتنبع بالمسات يا بدي بتصير رمات فيك اوقات ما حد سائل عن هداك اذا عاش زمات اذا طالع زفات. واراضينا يا بتنبع بالمسات يا بدي بتصير رمات فيك اوقات ما حد سائل عن هداك اذا عاش زمات اذا طالع زفات. واراضينا يا بتنبع بالمسات يا بدي بتصير رمات فيك اوقات ما حد سائل عن هداك اذا عاش زمات اذا طالع زفات. واراضينا يا بتنبع بالمسات يا بدي بتصير رمات فيك اوقات ما حد سائل عن هداك اذا عاش زمات اذا طالع زفات. Alors, c'était le groupe Ramallah Underground, qui est un groupe, en fait, de Palestine, qui chante du rap un peu à l'américaine. Donc, ce courant qui a influencé un groupe de Palestine, c'est intéressant de voir les mélanges des genres comme ça. Alors, vous pourrez en savoir plus en tapant Ramallah Underground sur Google, finalement, pour trouver. Je suis avec Alain Dumas, professeur au Cégep de Trois-Rivières. Donc, bonjour Alain. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Bien oui, bien oui. Alors, t'es allé en Palestine un peu avant la période des fêtes. Qu'est-ce que t'es allé faire là, Alain? En fait, on a participé, moi et un collègue au comité de solidarité, à un forum social mondial sur l'éducation du 28 au 31 octobre, qui se tenait pour nous principalement dans la Cisjordanie. On faisait partie des quelques 20 000 participants, dont la majorité était de Palestine, bien sûr, à ce Forum mondial sur l'éducation. Et j'imagine qu'on se prépare un peu avant de partir, quand c'est quelque part comme la Palestine. À quoi tu t'attendais avant de partir? Qu'est-ce que tu t'attendais à trouver là-bas? Oui, on se prépare parce que pour entrer en Palestine, bien sûr, qui est un territoire qui est un territoire occupé par l'armée israélienne, on entre bien sûr en Israël et certains préparatifs qui sont essentiels. Alors, à quoi je pouvais m'attendre? Écoutez, je savais qu'on logerait à Ramallah et les souvenirs que j'avais de Ramallah, c'était les attaques répétées de missiles en 2002 de la résidence, du siège de l'autorité palestinienne à l'époque. Alors, je me demandais de quoi aurait l'air cette ville-là, Ramallah, qui est un peu, entre guillemets, là, la capitale non officielle de ce qui reste de la Palestine, bien sûr. Alors, je m'attendais à des traces de destruction physique. Puis, bon, bien sûr, je l'ai constaté. Il y a eu beaucoup de reconstruction après tant d'années. Et je m'attendais aussi à des traces de destruction morale, voir un peuple complètement abattu, démoralisé, méfiant, parce que dans les conditions dans lesquelles ils vivent, je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, sont un peu démoralisants. Alors ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Excellent. Et là, tu es parti. Avant d'arriver là-bas, est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau de passer la frontière, entrer en Palestine? Est-ce que ça a posé problème pour vous? Une fois sorti de l'aéroport, non. On fait face, bien sûr, à des checkpoints militaires un peu partout dans le territoire palestinien. En fait, il y en a plus de 600 checkpoints militaires. Et qu'est-ce que c'est un checkpoint militaire? C'est un barrage où, bien sûr, comme nous, on circule en autobus. On entre dans l'autobus, on examine qui est là, on demande les passeports, on vérifie. Dans le cas des voitures, on les fouille un peu partout. Surtout pour des Palestiniens. Nous, entre guillemets, on paraissait pour des touristes étrangers. Alors, les fouilles sont moins systématiques en tant que telles. On regarde à l'intérieur des sacs à dos, des choses comme ça. Mais en réalité, pour entrer dans les territoires palestiniens, il n'y a pas trop de vérification. C'est quand on en ressort. Par exemple, nous, on logeait à Ramallah. Chaque fois qu'on sortait de Ramallah, là, on faisait face à des files d'attente là, pour sortir, parce que là, on nous vérifie, et c'est très long, hein, ça peut prendre 30 à 45 minutes pour des touristes comme nous, mais pour les Palestiniens, ça peut prendre des heures, ou parfois, ils peuvent se voir refuser la sortie de la ville. Excellent. Et une fois rendu là, en territoire palestinien, comment on se sent finalement dans ce pays-là? Ben, comme je disais tout à l'heure, je m'attendais à des gens démoralisés. J'ai pas constaté ça. En fait, ce que j'ai vu, c'est des Palestiniens, des gens extrêmement fiers, ouverts, paisibles, pacifiques, serviables, gentils. Contrairement peut-être à l'image que certains médias laissent planer, les Palestiniens, des méchants terroristes, je pense que c'est complètement faux. Sont par contre très appauvris parce que les conditions de circulation, ils ne peuvent pas circuler librement dans les territoires palestiniens. Alors, en conséquence, tu sais, pour sortir de ta ville, pour aller travailler à 5 km, si ça te prend 4 heures, tu perds ta job. En fait, c'est ce qui est arrivé pour des centaines de milliers de Palestiniens qui ont perdu leur emploi. En fait, c'est ça qui frappe le plus, c'est quand même la situation de pauvreté, mais ça n'affecte pas en tant que tel leur morale. Ils sont toujours très, très, très prêts à défendre leur autonomie. En fait. Et au niveau de l'expérience sur le territoire palestinien, là, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien, on a participé à des activités du Forum mondial d'éducation. Ça nous a permis aussi d'aller à Jérusalem-Est, qui est le territoire officiel, qui devrait être la capitale palestinienne d'après la décision précédente de l'ONU. On est allé aussi à Jenin. Alors ça, Jenin, c'est dans le nord de la Cisjordanie. On a eu droit à des témoignages de jeunes et d'enseignants sur la situation difficile d'aller à l'école, en fait, de vivre sur l'éducation. J'oubliais aussi, la Palestine, dans les territoires palestiniens, Israël a construit un mur de 700 kilomètres qui rend encore là très difficile la circulation. Et parfois, les murs passent en plein centre d'un village palestinien. Alors, ça rend la vie extrêmement difficile. En fait, ils sont pas maîtres du tout de leur territoire. On a participé, ce qui était aussi extraordinaire, à une grande marche d'ouverture du forum à Ramallah. 8000 personnes dans la joie et le calme. Et ça nous a amené aussi, une journée, on a pu se rendre à Hébron. Hébron, c'est une ville palestinienne dans laquelle des colons juifs ultra-orthodoxes sont installés de force, environ 500, et ils ont créé ce qu'on appelle des colonies, une colonie juive ou israélienne. Et il y en a de ça presque partout, de ce qui reste du petit territoire de la Palestine. Il est occupé non seulement par l'armée, mais de plus en plus, un peu partout par ce qu'on appelle des colonies, c'est-à-dire qu'on implante des villes de force dans la Palestine. On tente les Palestiniens, puis on installe une ville, et c'est eux qui font la loi. Mais j'imagine que la relation entre colons et Palestiniens, ça doit être tendu. Comment t'as senti ça? Ah, c'est extrêmement tendu. C'est normal. Les témoignages de Palestiniens qui ont été chassés de leur maison, et leur maison est occupée automatiquement par des colons juifs qui sont protégés par l'armée israélienne. En Israël, c'est considéré comme illégal, sauf que l'armée est là partout, il y a des barrages dans les villes, et c'est souvent, on va entendre, les Palestiniens s'en sont pris à des Israéliens. Mais écoutez, ils s'en sont pris des Israéliens qui ont volé leur maison et leur terre. Et je pense que vouloir récupérer sa terre ou sa maison, c'est pas un geste violent, c'est un geste tout à fait légitime. Je veux pas dire que je légitime la violence, mais ils réagissent comme n'importe quelle personne réagirait. En fait, c'est ce qui rend les relations extrêmement tendues, d'autant plus que les murs rendent beaucoup plus difficiles les contacts entre Palestiniens et Israéliens. Alors, c'est sûr que la séparation est d'autant plus physique, économique et de tout. C'est pour ça que de plus en plus, certains parlent d'une espèce de forme d'apartheid que vivent les Palestiniens. Et toi, comme Québécois là-bas, t'as senti un peu cette pression-là quand même, parce qu'on a fouillé tes bagages, on prenait ton passeport, t'as vécu les checkpoints. Comme sentiment pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui c'est pas son quotidien, là, c'est quoi le sentiment face à ça? Ben, c'est-à-dire qu'il y a une crainte. On nous avait dit que ça serait plus difficile de sortir d'Israël que d'y entrer, et c'est tout à fait vrai. Pour sortir, bien sûr, il faut revenir à l'aéroport. Et à l'aéroport, bien sûr, on fait face à de multiples fouilles et vérifications. On nous pose des questions, et là, on nous met sur nos passeports une petite étiquette autocollant dont les lettres sont en hébreu, mais les chiffres, on ne sait pas trop c'est quoi. En fait, on nous identifie, on nous catégorise si on est dangereux ou non. Dans notre groupe, il y a des gens qui ont été catégorisés comme étant très dangereux à cause de la couleur de leur peau, sans doute, ou de leur origine. Et j'ai même un collègue, on voyageait ensemble, lui était coté dangereux, puis moi j'étais coté pas dangereux. Alors lui aussi, était multiple. Ton collègue, on parle d'un professeur au collège La Flèche, on parle d'un professeur, d'un Québécois, c'est ouais, pas quelqu'un qui a des antécédents, fait, là. Tout à fait, nous, on disait qu'on voyageait ensemble, on a fait les mêmes choses, alors je sais pas pourquoi lui a subi de multiples fouilles. Nous, on présume que c'est une façon, entre guillemets, de dire, bon, ben, on a un quota de fouilles à faire, on le fait, et bien sûr, peut-être pour décourager les gens d'aller là-bas et d'y revenir avec de l'information, je ne sais trop. Est-ce que ça a été plus difficile de sortir pour ton collègue que pour toi? Ben, c'est-à-dire qu'on s'est perdu. Moi, je l'attendais, mais à un moment donné, je ne savais plus s'il était sorti ou passé, parce qu'ils nous font passer. Quand tu es plus fouillé, il y a des lieux de fouille qui sont un peu à part. Mais en fait, on va être vérifié et fouillé de 4 à 6 fois avant d'arriver là, au terminal où on prend notre avion. C'est un peu pénible. C'est un peu, même je dirais même un peu inquiétant ou angoissant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, je sais pas moi, si j'ai acheté un foulard, un café palestinien, un foulard, s'ils décident que pour eux, je suis suspect parce que j'ai un café palestinien, ben là, on se dit, non, je peux-tu porter des choses, là? Ouais, voilà. Et maintenant, vous êtes revenu de là, vous avez organisé quelques témoignages, en fait, auprès, mettons, par exemple, de votre syndicat de professeurs, vous avez organisé une conférence de presse en Mauricie avec les médias, et c'est quoi le comment on se sent au retour? Qu'est-ce qui s'est passé au retour? Ouais, c'est-à-dire qu'on a fait un point de presse pour livrer un peu un témoignage de ce qu'on a vu là-bas, et notre grande surprise, on a été pris, le comité de Québec-Israël, qui est un pendant, je pense, du Congrès juif canadien, ont répliqué dans les médias, ont lancé une campagne téléphonique d'appels dans les journaux de la région, qui ont couvert ils ont simplement fait leur job, ils ont couvert le point de presse, ils ont rapporté de nos paroles, de nos témoignages. Alors, ça, c'est une chose qui nous a beaucoup surpris de voir comment, même au retour chez soi, on est pas suspecté, mais surveillé dans les moindres paroles. Et ça, je me suis dit, bon, je suis rendu chez nous, puis entre guillemets, on subit encore une espèce de surveillance. Ça nous a beaucoup surpris et rendu un peu incroyable. Et là, au niveau de votre expérience, vous allez vouloir en faire quelque chose, j'imagine, dans la prochaine année, dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait avec cette expérience-là? On se mobilise vers quoi? Là, ben, présentement, on fait des petites conférences. Au sein du comité de solidarité de Trois-Rivières, le comité Palestine a été relancé. En fait, ben, il a toujours existé, mais il a été relancé. Et compte tenu du fait qu'on a rencontré des gens de l'extérieur de la région, parce qu'on était une délégation d'une quarantaine de personnes d'un peu partout au Québec en passant, et ça nous a mis en contact avec un organisme comme Palestiniens et Juifs Unis pour la paix. Alors, certaines actions se posent en ce moment un peu partout dans le monde, comme par exemple une campagne de boycott de produits israéliens qui... Les campagnes ne sont pas égales un peu partout, mais qui, surtout d'entreprises israéliennes qui sont dans les territoires occupés. Alors, il y a une campagne de boycott en ce sens-là. Et ce qui se prépare, ben, tout le monde en a entendu parler, un bateau de vivres et de médicaments qui sera envoyé dans la bande de Gaza. Ça, c'est l'action à laquelle on va le plus participer, trouver des contributions pour financer l'envoi d'un bateau rempli de produits dont les Palestiniens de la bande de Gaza manquent de manière hallucinante. La bande de Gaza, c'est bien pire. C'est l'autre partie de la Palestine. C'est bien pire qu'en Cisjordanie, dont je décrivais tantôt un peu l'histoire d'emmurage. Mais la bande de Gaza, comme disait un rapporteur de l'ONU, c'est la plus grande prison à ciel ouvert au monde. Hein. Alors, ils sont vraiment renfermés. Pas renfermés, emprisonnés, excuse-moi. Eh bien, merci beaucoup Alain Dumont, professeur au Cégep de Trois-Rivières. On va suivre ces deux dossiers-là, donc la campagne de boycott, c'est la campagne BDS, et Bateau pour Gaza aussi. Bateau pour Gaza. Puis le 16 février prochain au Cégep de Trois-Rivières, à 19h, au Loft, ben, je vais livrer un témoignage avec beaucoup d'images de ce séjour en Palestine. Les images que vous avez ramenées de là-bas? Images, avec quelques informations quand même qui cernent un peu le problème des Palestiniens. Eh bien, merci beaucoup. On va suivre ça. Au plaisir. Bonne fin de journée. Toi aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Alain Dumont, professeur au Cégep de Trois-Rivières, professeur d'économie au Cégep de Trois-Rivières, qui revient du Forum de Ramallah, le Forum mondial sur l'éducation, qui se passait en Palestine cette année. Dans quelques instants, on reçoit Annie Lafontaine du Comité de solidarité de Trois-Rivières, qui revient, elle, de Bolivie, où elle est allée rencontrer un des partenaires internationaux du Comité de solidarité de Trois-Rivières, le CEPROSI. Alors, elle va pouvoir nous expliquer un peu la situation que vit, ça c'est un groupe de défense des droits des femmes. Alors, la situation un peu du mouvement des femmes en Bolivie. Et Annie Lafontaine dans quelques instants. Alors, je suis avec Annie Lafontaine du Comité de solidarité Trois-Rivières qui revient tout juste de Bolivie où elle est allée rencontrer le CEPROSI qui est le partenaire du Comité de solidarité Trois-Rivières en Bolivie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Oui, donc, tu reviens de Bolivie? Oui. Tu es allée rencontrer le CEPROSI. C'est quoi ça, le CEPROSI? Le CEPROSI, c'est le Centre de promotion pour la santé intégrale. C'est une organisation qui est basée à La Paz, qui travaille spécifiquement auprès des femmes et qui travaille en fait aussi au niveau de la question de la violence faite aux femmes. Donc, à travers différentes activités de sensibilisation, d'éducation, d'encadrement de ces femmes-là, elles travaillent au changement social en fait. Excellent. Et c'est quoi l'histoire un peu de solidarité qui existe entre le Comité de Trois-Rivières et le CEPROSI en Bolivie? Ben, c'est une histoire qui est assez récente, je dirais. C'est une histoire qui date de 2 ans. Donc, c'est un nouveau partenariat que le Comité de solidarité a établi avec cette organisation-là qui est en Bolivie. Le Comité a une histoire quand même assez importante là, au niveau de l'appui d'organisations de promotion des droits des femmes, entre autres à travers l'organisation CAIFAM en Haïti. On a aussi travaillé avec le collectivo Ocho de Marzo au Nicaragua. Donc, toute cette question-là de réhabilitation, d'encadrement des femmes victimes de violences à travers des activités de suivi psychologique, d'appui juridique, ça fait partie aussi de l'histoire là, de la coopération comme des solidarités. Il y a eu beaucoup de ce genre d'appui-là. Au Québec, au Canada, on sait bien un peu la situation des femmes a beaucoup évolué dans les dernières années, mais c'est comment la situation des femmes pour une femme bolivienne, là? Ben, il faut dire que, bon, évidemment, il y a un processus de changement social aussi important actuellement en Bolivie avec la réélection du gouvernement d'Evo Morales. Par contre, la question de la violence faite aux femmes est toujours très présente. Là, on compte facilement là, 6 femmes sur 10 qui sont victimes de violences. C'est encore un sujet qui est très caché, très tabou. Les femmes, bon, plusieurs de ces femmes-là aussi sont plus scolarisées, ne connaissent pas leurs droits. Alors, il y a beaucoup de travail à faire de sensibilisation, d'éducation, de renforcement aussi de la capacité là, des femmes. Donc, le CEPROSI, ce que le CEPROSI fait, c'est que, bon, ils ont différents objectifs. notamment au niveau du travail direct auprès des groupes de femmes sur le terrain, où elle travaille avec près de 20 groupes de femmes dans la région périurbaine de La Paz, pour permettre à ces femmes-là de reprendre confiance en elles, de comprendre en fait le processus de la violence faite aux femmes, de dénoncer aussi des actes de violence, donc de prendre conscience des droits des femmes. Il y a ce travail-là à la base qui se fait et qui, je dirais même dans la dernière année, là, ils sont passés là, de 16 groupes de femmes à 21 groupes de femmes. Donc, c'est très prometteur. Il y a un engagement important de la part des femmes aussi, qui pour la plupart sont des femmes qui vivent dans des situations de pauvreté, d'exclusion. Alors, est-ce qu'on peut parler qu'en Bolivie, le mouvement des femmes, c'est un mouvement fort quand même? Bien, c'est un mouvement qui prend de plus en plus de force, là, ce qu'on a pu constater en fait sur le terrain. Mais il y a cet aspect-là... Il y a cet aspect-là, en fait, du travail de ces procès à la base, du travail d'éducation populaire qui est extrêmement important. Mais il y a aussi tout le travail de la participation citoyenne dans le processus de démocratisation, tant locale que nationale. Donc, le ces procès est très impliqué. Notamment, il a participé à l'élaboration là, de la Constitution de la municipalité de la Paz. Donc, la Paz a revu toute son sa charte, toute sa propre constitution et le CEPROCI est impliqué dans ce processus participatif. Donc, il y a eu 13 commissions et deux d'entre elles étaient présidées par des membres du CEPROCI, entre autres, une sur le contrôle social et la transparence et une autre sur le développement humain intégral et la justice. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que de plus en plus de leaders féministes sont impliqués dans les changements au sein même de la politique là, de la Bolivie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un gouvernement qu'on dit de gauche, donc de Evo Morales. Et est-ce que ça profite, ce contexte-là, au mouvement des femmes, justement? Ben oui, c'est favorable au mouvement des femmes. Évidemment, les femmes sont aussi... je pense qu'il y a beaucoup d'espoir là, à travers... c'est un processus qui est très participatif aussi, où les différents groupes de la société civile sont impliqués, comme je disais tantôt, tant au niveau, là, au niveau de la Constitution, qu'il y a eu une nouvelle Constitution en 2009 pour... au niveau national. Là, ils ont refait la Constitution de La Paz, donc il y a eu une implication des mouvements sociaux assez importante. Mais ils sont aussi critiques, ils sont aussi très vigilants face à la situation pour s'assurer que ce qui est mis en place soit appliqué aussi. Et c'est quoi un peu les... j'imagine qu'ils doivent rencontrer sur le terrain des obstacles. Donc, c'est pour aussi le mouvement des femmes en Bolivie. Comment tu vois ça, ces obstacles-là? Ben entre autres, par exemple, toute la question de la santé intégrale des femmes en Bolivie, au niveau de la santé, bon, il y a la première ligne qui est assumée par les municipalités, la deuxième ligne qui est assumée par le district et la troisième ligne qui est assumée par l'État. Par exemple, actuellement, à La Paz, le gouvernement de La Paz n'est pas le même. En fait, c'est pas le même parti au pouvoir que pour la nation. Donc, ça crée certains problèmes de mise en place des programmes au niveau municipal, etc. Donc, évidemment, ce sont des problèmes politiques là, auxquels les organisations font face. Il y a aussi des difficultés. Certains groupes de femmes, pas uniquement en Bolivie, mais plusieurs groupes de femmes ont subi aussi des pressions des groupes pro-vie, notamment de certaines organisations américaines, ce qui fait que certaines organisations sont ciblées comme étant des organisations faisant la promotion de l'avortement, alors que souvent ce ne sont même pas leurs principales cheval de bataille, mais elles subissent les conséquences de ça par des coupures importantes au niveau de leur financement. Donc ça aussi, c'est des difficultés là auxquelles les femmes sont confrontées, surtout les organisations, je dirais. Puis bon, évidemment, la femme dans son quotidien est aussi confrontée à la question de la violence intrafamiliale qui est encore très présente en Bolivie. Puis au niveau un peu de la religion, si on veut, la Bolivie, est-ce qu'il existe une certaine droite religieuse comme on en voit ailleurs dans le monde et qui, justement, au niveau des comme les cas de l'avortement ou du rôle de la femme, est-ce que la droite religieuse joue un rôle important pour le mouvement des femmes boliviennes? Je pourrais pas me prononcer si la droite religieuse est importante en Bolivie. Par contre, ce qui est important de comprendre, actuellement, la Bolivie fait face à un changement au niveau de la politique et le gouvernement d'Evo Morales a instauré la laïcité de l'État. Excusez-moi, ça sonne dans mon téléphone. ce qui fait en sorte que l'Église est un peu en réaction, je dirais, à ces nouvelles politiques-là. Ça crée certains problèmes. Il y a beaucoup de discussions aussi au sein même là, de la population qui en général est très, très pratiquante. Donc ça crée beaucoup de problématiques, je dirais. Et maintenant, au niveau de la solidarité entre les femmes du Québec, les femmes de Bolivie et les femmes d'ailleurs dans le monde même, une femme qui écoute présentement l'émission et qui voudrait finalement créer ces liens-là de solidarité ou juste en savoir plus sur les femmes ailleurs dans le monde, comment elle peut faire? Ben, écoutez, il y a au comité de solidarité, il y a un comité femmes et développement qui justement approfondit sa réflexion pour créer des liens de solidarité entre les femmes du Sud et du Nord. C'est un lieu en fait de réflexion, d'échange, d'appui aussi à des organisations du Sud. Donc ça c'est une façon de faire. Je pense que sur toute la question là, des femmes boliviennes. Je pense qu'aussi ça rejoint toute la question des femmes autochtones ici au Québec. Donc, c'est sûr de s'informer sur la question des femmes autochtones. Je pense que c'est aussi un autre moyen là, d'approfondir là, notre connaissance en commençant par ici parce que c'est une problématique aussi qui est mondiale. Donc, il faut comprendre aussi la question à partir du Canada. Et la Journée de la femme s'en vient, le 8 mars prochain. Le 8 mars, oui. Comment on se prépare à ça au Comité de solidarité de Trois-Rivières? Bien, le 8 mars, il y aura une projection au Ciné-Campus. Ce sera un film de Rachel Alouki qui a pour titre « Désert de croix » et qui est sur la situation des femmes de Ciudad Juarez au Mexique et qui dénonce en fait toutes les féminicides là, dans cette ville là, dans cette ville qui est en fait une zone franche là, à la frontière des États-Unis et du Mexique. Alors, ça sera une projection suivie d'une discussion. Excellent. Alors, on suit vos activités avec le comité femmes du comité de solidarité de Trois-Rivières. Merci, Annie Lafontaine. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Annie Lafontaine du Comité de solidarité Trois-Rivières qui revenait de Bolivie où elle a rencontré un partenaire du Comité de solidarité qui s'appelle le CIPROCI. Avant de quitter, vers la conclusion, le chiffre de la semaine. Cette semaine, le chiffre de la semaine, c'est 500 000. 500 000, c'est le nombre de colons juifs installés illégalement dans une des 220 colonies de peuplement de Cisjordanie et à Jérusalem-Est, des territoires reconnus internationalement comme des territoires palestiniens. Entre 1972 et 2007, le nombre de colonies a augmenté de 39 fois. Donc, pour une ville palestinienne de 135 000 habitants comme Hébron, eh bien, on peut compter 500 colons juifs finalement installés au cœur de cette ville-là. Et pour protéger ces 500 colons, l'État d'Israël mobilise plus de 2000 soldats en permanence. On en a parlé tout à l'heure avec Alain Dumas. Alors, le chiffre de la semaine, 500 000, c'est le nombre de colons juifs installés illégalement dans les colonies de peuplement en Palestine, donc. Alors, ça conclut l'heure internationale pour cette semaine. Vous pouvez suivre nos activités sur heureinternationale.wordpress.com et vous allez pouvoir télécharger l'intégralité de l'émission, les entrevues. On est aussi sur Facebook à Heure Internationale. Nous sommes aussi sur Twitter avec le Comité de solidarité Trois-Rivières. Donc, vous tapez Solidarité TR. Donc, Solidarité TR sur Twitter. Et notre site web www.cs3r.org. Alors, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, encore une émission consacrée au sujet de la Palestine. On va gratter encore un peu plus loin et voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se mobilise sur le terrain, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les formes de solidarité qui peuvent se créer là, envers le peuple palestinien. Alors, on se laisse en musique avec le célèbre, nul autre, Manu Chao avec Meyaman Kaye. Alors, on s'en va en musique avec ça et on se dit à la semaine prochaine.